autrefois battaient tout près de ton cœur. Tous deux ont dansé pour moi, c'était le bonheur. Et maintenant un autre te tient dans ses bras. Non plus jamais je ne danserai, plus jamais. Alors j'ai dansé avec une autre que toi. Pourtant je n'ai pu retrouver la même joie. Vraiment si tu ne reviens pas, tout comme autrefois. Jamais plus, non jamais, non non plus jamais. Je ne danserai plus jamais. Crois-tu que mes yeux supportent tout ça? Qu'il ne pleure pas quand il te voit suivre tous ses pas. Je te vois qui soupire penché sur son épaule. Ça me fait souffrir de voir sa main qui te frôle. Alors tant que tu seras là, serré dans ses bras. Jamais plus, non jamais, non non plus jamais, je ne danse. Plus jamais. Plus jamais. Jamais plus, non plus jamais.